Décrire des objets. Grand, petit, immense, tout petit, gigantesque, minuscule, lourd, léger, large, étroit, haut, bas, fin, épais, long, court, carré, rond, rectangulaire, ovale, mou, dur, fragile, solide. Quelles sont les dimensions de l'objet? Ça mesure combien? L'objet mesure, l'objet fait 1 mètre de long, 35 cm de large, 1 mètre 70 de haut. Combien pèse cet objet? Quel est le poids de cet objet? Il pèse 10 kg. Il fait 10 kg. Utile, pratique, nécessaire, indispensable. Servir à. Cet objet sert à. Cet objet est utilisé pour. Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Ça sert à. Ça sert à écrire. C'est pour écrire. Avec ça, on peut écrire. En plastique, en bois, en marbre, en or, en argent, en diamant, en fer, en acier, en cuivre, en plomb, en aluminium, en cuir, en cristal, en verre, en béton, en porcelaine, en céramique, en carton, en caoutchouc, en ivoire.